Deuxième partie. L'ego et sa pièce de théâtre. J'essaie de m'imaginer, j'aime ça parler par image, j'essaie de m'imaginer une cellule dans un corps humain. La cellule elle a une fonction particulière dans le corps. Elle travaille avec d'autres cellules, elle interagit avec d'autres cellules. Elle est protégée ou est un élément protecteur dans le corps, toujours. Puis on pourrait dire que l'ego étant le corps humain, et tout ce qui orbite autour de ce du côté matériel du corps, on pourrait dire que pour une cellule, le corps, c'est sa pièce de théâtre. Donc, si on fait le référent là, pour vous ramener quelque chose de concret, vous autres, comme égo, vous êtes une cellule dans une pièce de théâtre d'un corps qui est l'événement. L'événement étant un corps, vous êtes une cellule dans ce corps-là, qui est l'événement. Au même titre que la cellule qui construit votre corps, la cellule, sa pièce de théâtre, les acteurs qui sont en interaction avec elle, ben, le corps étant sa pièce de théâtre, elle interagit avec d'autres cellules jusqu'à la fin de la pièce, qui est la mort du corps. Vous me suivez jusque-là? Donc, si vous autres, vous êtes dans votre destinée, on vous prend, vous autres, comme égaux, comme une cellule, dans une pièce de théâtre. Vous habitez donc un corps. Votre corps, il est en déplacement. Votre cellule se déplace avec le corps. L'événement est un déplacement dans la vie. Et vous, en tant qu'individu, vous vous déplacez dans l'événement. Et vous devriez normalement savoir, comme la cellule, que vous êtes dans un corps, au même titre que vous, en tant qu'ego, vous devriez savoir que vous êtes dans une pièce de théâtre, qu'on pourrait appeler un corps. C'est une image toujours, mais c'est vraiment pour faire comprendre qu'une cellule ne peut pas se comprendre par soi-même, autre qu'en étant consciente de son interaction avec son environnement. Vous me suivez jusque-là? J'utilise l'image pour vous faire voir que vous autres, en tant qu'individus, vous êtes une cellule dans quelque chose. Vous n'êtes pas tout seul. Qu'est-ce qui se passerait si une cellule était isolée du corps? Elle mourrait. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait pas d'utilité, donc elle ne serait pas alimentée par l'ensemble. Pour que moi, je puisse exister, donc que je puisse travailler, il faut que vous veniez. Vous me coupez ou je me coupe de vous autres, et je n'existe plus, donc je meurs. Ça va jusque-là? Vous ne vivez que parce que vous êtes dans une pièce de théâtre. La cellule ne vit que parce qu'elle est dans un corps. Simple de même. Bon, partant du point que, là, je sors de l'image de la cellule puis du corps, puis je reviens à l'individu, l'ego, avec l'ensemble. Identifier l'ensemble, c'est surtout pour l'individu d'identifier sa fonction dans son orbite immédiate sans nécessairement connaître l'ensemble de l'événement. Ça, c'est la première étape. Ce que vous êtes comme utilité dans votre environnement, c'est ce qui justifie le fait de vivre dans cet environnement-là. Quand un individu n'est plus capable de s'identifier à son environnement, il va changer de pays, il va déménager, il va changer d'événement. Il va se créer des nouveaux événements pour aller se faire, pour se rendre utile à quelque chose. Qu'est-ce qui détermine qu'on est intéressé à être dans une famille? Parce que le premier environnement public d'un être humain, comme individu, c'est son rapport à la famille. Le comment il va vivre sa famille va souvent lui permettre de voir s'il appartient à un regroupement. Si dans la famille, il ne se sent pas accepté, il va chercher soit à se trouver une autre famille ou à se créer une famille pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de son environnement. Je parle lentement, là, juste pour que les morceaux rentrent, parce qu'il faut que je continue dans l'affaire. La famille étant le premier événement tangible extérieur à l'individu, la famille a beaucoup d'importance et beaucoup d'influence, peu importe si elle aime ou n'aime pas la famille. Parce que c'est là que tu goûtes à ta première utilité ou à ton premier rejet important. Moi, j'ai des chats chez nous, je vois beaucoup de bébés, et puis il y a des chats qui meurent parce qu'ils sont pas capables de se nourrir à la mer. La mer, c'est une source d'influence, je dirais, infiniment supérieure au père. Votre rapport à la mer, c'est le rapport avec votre équilibre affectif. Votre rapport au père, c'est un rapport qui va conditionner beaucoup votre façon de vous organiser puis vous structurer dans la vie. Donc, c'est normal de comprendre un égo dans son rôle social par rapport au rapport avec son père. Le rapport au père, c'est le rapport d'utilité fonctionnelle. Et ton rapport d'appréciation affective se fait en général avec la mère. Fait que si ton affectivité est désaxée, tu réfères au comportement de ta mère vis-à-vis de ta personne. Que vous soyez enfant unique ou que vous soyez à travers une famille de 10-12, ça revient tout le temps à la mère à vous donner le qu'est-ce que vous allez être affectivement. Les gens qui ont des déséquilibres affectifs profonds sont des gens qui ont un très mauvais rapport avec la mère parce que la mère est souvent très raide, très rigide, très contrôlante, très dominante. Assez qu'il y en a qui reviennent homosexuels à cause de ça. Si vous avez une mère plus douce, compatissante, plus affectueuse, vous allez être plus équilibré dans la vie, puis c'est pas comme vous avez un père qui est très dominant, écrasant, vous pouvez être bien équilibré dans la vie, mais très marginal dans la vie, parce que votre rapport avec le père est plus conflictuel comme tel. Donc, vous êtes plus apte à être délinquant, mais un délinquant équilibré. Quand vous savez ça, que votre premier rapport à l'extérieur, c'est votre rapport familial, que vous soyez orphelin ou pas, c'est pour ça qui est important, c'est de voir l'événement que vous avez vécu qui est important. Je connais des gens orphelins qui ont été déséquilibrés principalement au niveau de l'affectivité, mais qui ont quand même eu un encadrement assez solide pour être capable d'être fonctionnel, puis utile, puis structuré dans la société. Parce que là, il y a eu des éléments qui ont compensé le père. L'armée, exemple, ou tout ce qui désorganise l'individu, femme ou homme, pour la structure de vie, là, l'utilité fonctionnelle, l'ICO, les diplômes, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup relié au père, ça, comme tel. Moi, je serais normalement en affaires. J'ai étudié en marketing, j'ai étudié en administration. J'étais un gars de chiffres, j'étais un gars de recherche. Je suis pas supposé faire le travail que je fais. Je fais le travail qui a été comme absorbé, accompagné et voulu par ma mère. Ma mère voulait que je sois un prêtre. Il me manque juste un petit collet blanc, là, ici, là. J'ai déjà presque la soutane puis le top de la torche. J'étais bâti, ma mère voulait me bâtir pour être prêtre. Parce que son père, qui était supposé être prêtre, mais qui a pas été prêtre à cause de la guerre, elle dit, il me semble que tu ferais bien ce que mon père aurait fait, qu'il a pas fait, parce que c'était la guerre, puis tout ça. Fait que tout a été pensé par ma mère, qui était l'élément qui m'absorbait dans la famille, pour faire un prêtre. Mais tout ce qui était pensé par mon père, c'est que je suis un homme d'affaires, puis un vendeur d'automobile. Ou un gars qui achète un garage pour vendre l'automobile. Vous me suivez? J'ai été tiraillé dans les deux mondes. J'ai appris des deux mondes, mais ma mère a pris le passage du confessionnal plus fort que mon père, donc je suis devenu un confesseur. J'absorbais les secrets, les confidences des gens, et puis avec la voix de couchette que j'avais, ben j'avais l'avantage d'être comme ça pour faire ça. Ça pour vous faire comprendre que ma pièce de théâtre était organisée pour être dans un monde ou dans un autre, et que j'ai éduqué mon gars à pouvoir faire ce que j'ai pas fait, qui était plus payant que ce que je fais là. Et puis lui, ça a marché, parce qu'il y a eu un bon père qui l'a structuré. Mais il y a eu des déséquilibres affectifs qui fait que quand il n'y a plus de femme dans sa vie, il peut plus fonctionner, il peut plus travailler, il peut plus rien faire, parce que sa mère n'était pas là. Il y a eu l'inverse de ce que j'ai eu. Moi, j'ai eu l'avantage de la mère, mais j'ai pas eu le désavantage du père. Lui, il a eu l'avantage du père, mais le désavantage de la mère. Votre première grande pièce de théâtre pour votre égo, c'est la famille. Je donne mon exemple, mais tout le monde a son exemple à donner. Mais c'est pas compliqué. Affectif et structure. Le père, la structure, la mère, l'affectif. Vous pourrez jamais être une mère et donner de la structure comme un père peut le faire. Moi, j'ai été, quand je me suis séparé de ma femme, j'ai demandé, à un moment donné, de rester 2 ans chez nous, nourri-logé, J'ai dit, j'ai besoin que Jojo, Jonathan, c'était mon gars, que tu sois avec pendant au moins 2 ans pour le garder en équilibre. Émotionnellement, je peux pas faire ta job. Je suis pas capable. C'est pas mon département. J'étais un gars d'autorité, j'étais un gars de combat. C'est tout ce que je peux y montrer, c'est de faire la guerre. Je peux pas y montrer être affectif puis balancé. Elle a accepté, fait qu'elle a eu 2 ans sans frais. Et puis, c'est important de le noter parce que bien souvent, les couples, eux autres, ils ont des rapports qui ont, quand ça touche l'argent, qui est souvent conflictuel quand ils se séparent. Tandis que pour moi, c'était essentiel que tous les éléments soient cohérents dans la vie mentale de mon gars. Bon, ça a réussi, ça a marché. Et puis, au final, ben, ça s'est bien passé. Ça veut dire que dans la pièce de théâtre d'un enfant avec des parents conscients, c'est plus facile à opérer qu'avec du monde qui vit au niveau de l'art. Si vous avez des parents qui sont très, très, très pilotés par l'art, les chances que votre enfant soit déséquilibré sont très élevées. Très, très, très, très élevées. Même s'il y a un seul parent qui est conscient et qui est capable de créer des éléments de balance, il va quand même toujours avoir un déséquilibre parce que l'autre est trop astralisé. OK? Peu importe le nombre dans la famille, soyez enfant unique, un enfant dans 5, 6, 7 enfants, les conflits des parents entre eux autres se répercutent dans le comportement des enfants. J'ai vu tellement de familles qui étaient en compétition un par rapport à l'autre parce que il y a un élément qui était trop dominant chez le père versus la mère. Et ça crée des conflits énormes. Les enfants ne réussissent pas toute leur vie à se rejoindre. Ils sont obligés de se recréer une famille ou se retrouver un environnement qui vont les accepter. Sinon, ils ne se sentent pas aimés jamais. OK? Votre pièce de théâtre, ses principes de fond sont dans la famille. Une mère qui passe sa vie à vouloir vivre autonome, dégagée du mari, ça fait inévitablement un des enfants qui veut se séparer de la famille, qui veut pas avoir de famille, qui va tout faire pour pas avoir d'enfants. Donc, il y a d'énormes combats qui se font dans la vie de ce qui tourne autour de nous, qui nous affecte profondément. Et la seule façon de se libérer de ce passé qui a été la marque de votre enfance, c'est d'être sur le contact. Sur le contact, vous pouvez comprendre vos parents, vous pouvez comprendre l'âme de vos parents, vous pouvez comprendre les influences qu'eux-mêmes ont vécues dans leur enfance, parce qu'ils ont eu des parents, ça donne. Et puis ça vous permet à ce moment-là de vous neutraliser, de vous dégager de l'influence qu'ils ont eue dans votre vie. Quand vous dites « mon père, c'était violent », puis que vous allez dans la compréhension de la violence de votre père, puis du combat qu'il y avait dans sa vie, puis du dépassement que ça représentait par rapport à la confiance qu'il avait en lui, vous êtes capable, pas de pardonner, mais vous êtes capable de vous neutraliser par rapport à ce qu'il vous a fait subir à cause qu'il a subi, lui, quelque chose. Vous suivez? Et quand c'est plus de la coupure, là, mais quand vous êtes neutre par rapport à votre géniteur, bien, vous vous libérez de l'influence de la pièce de théâtre en termes de la subir. Et puis là, vous devenez conscient de la pièce de théâtre. Puis si vous êtes encore plus capable d'être sur le contact, vous allez comprendre le qu'est-ce que votre corps peut faire puis le qu'est-ce que votre corps ne peut pas faire à cause de cette programmation-là. Puis le comment vous pouvez utiliser les forces qui vous ont été données de père en fils, parce que c'est vraiment karmique. Là. Quand moi, j'ai fait l'étude à un moment donné généalogique, astrale, astrologique des gens, puis, c'est sûr que quand vous êtes capable de faire le tracé, vous voyez tout ce qui se répète d'une génération à l'autre. Puis voir les structures, comme ma mère était poisson, j'ai 3 planètes en poisson, mon gars est poisson. Le grand-père du côté de sa mère, il était vierge, puis Jojo est ascendant vierge. Puis, il y a des aspects planétaires qui viennent de la programmation de Monique. Puis, moi, j'ai des aspects planétaires qui sont transmis dans sa carte ciel, ces choses-là. Fait que tu vois, mon bonhomme, qu'est-ce que l'enfant prend du côté de la mère puis qu'est-ce qu'il prend du côté de la père? C'est long, faire ces études-là, là. Mais ça se fait. Puis là, vous comprenez que vous pouvez pas sortir la pièce de théâtre, mais que vous pouvez comprendre la pièce de théâtre puis savoir exactement quel rôle que vous jouez là-dedans. OK? Bon. Après la famille, c'est quoi? C'est le milieu qui vous éduque. Donc, la culture de votre pays, la culture ambiante, à quel endroit vous êtes né. Vous êtes né à un endroit où il y avait une culture. Vous avez été influencé par une culture. Et puis, dans cette culture-là, on vous a forgé le mental à penser d'une certaine façon, à penser à des obligations que vous aviez, à des droits que vous aviez. J'avais eu une femme qui, Francesca Alvero, y en a-tu qui s'en rappelle? Elle était née à Calabre. Les Calabrais, là, c'est dans les mafios, là, c'est dans les morts, dans les dangereux, là. Puis là-bas, le silence, c'est mort, si tu veux pas mourir, il faut que tu sois très, très discret, très silencieux. Puis c'était une femme qui, écoute, dans le temps, je filmais, là, quand j'étais, mes premiers consultants, j'étais tout passé sur cassette vidéo, que j'interviewais les gens. Puis elle, c'était terrible à questionner, elle disait rien, rien. Jojo, il était sur la table de montage, puis il dit, il appelle pas, hein, il a-tu coupé à l'arme, c'est quoi son problème? Je dis, il y a des réponses qu'elle peut pas donner, puis je sais que pour toi, c'est pas compréhensible, mais pour elle, là, dans le milieu où elle est née, là, il fallait tout le temps la loi du silence, l'omerta, il fallait tout le temps que ce soit respecté à la lettre. Damn, là, je dis, pas comme ça que ça se passe au Québec. Ça, au Québec, c'est une culture, en Italie, c'est une autre culture, puis dans certaines régions de l'Italie, c'est une autre culture. Fait que après la famille, vous avez l'environnement, le milieu immédiat, et c'est une autre pièce de théâtre qui se joue avec ce que vos parents vous ont donné comme zone émotionnelle, comme zone intellectuelle, à vous affranchir, ni plus ni moins, par rapport à tel ou tel rapport ou aspect de la vie, comme tel. Il y a des questions, posez-moi-les, parce que c'est un continuum, cette affaire-là. Okay? Fait que si vous avez des questions, tout de suite, je n'ai pas pour les poser. Levez la main, s'il vous plaît, juste pour que je puisse rendre ça facile à faire du montage dedans. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? OK. On interagit avec un milieu que c'est évident, la famille. On sait que si on engueule notre père, notre sœur, si ça, ça a des conséquences X, que tel aspect de la famille impose une ligne de conduite. Comme chez nous, là, une règle absolue, c'est ne divorce pas ou meurs. Si tu divorces, t'es mort. Tu fais plus partie de la famille. Moi, j'ai divorcé à répétition, là, que chez nous, là, j'étais comme changé la culture, c'était l'apocalypse à chaque fois, là. Puis, t'es avec qui, là? À chaque fois que j'emmenais quelqu'un chez nous, hey, t'es marié, là? T'es causé, là? C'est-tu clair, là? Assez, te veux-tu? J'étais l'élément rejeté, fait que, te veux-tu? Et ça m'a tellement tanné, qu'à un moment donné, j'ai coupé avec la famille. J'emmène plus personne, ça. C'est fini. Même mon gars, je voulais plus qu'il y aille. À cause de cette culture-là. Puis même mon gars, j'ai jamais forcé à penser stable. L'autre fois, il me dit, hey, ça fait 9 ans que j'étais avec la même. Ah, si, dis-moi pas que t'as été piqué à mayonnaise, toi, avec. J'ai dit, ça me dérange pas, moi, Joe. Moi, dans le temps que tu sois heureux, là, la femme que t'as, c'est, elle va toujours être. C'est pour moi, tu sais, j'ai tellement rencontré de monde que c'est celle qui te rend heureux qui est importante. C'est pas celle que tu gardes le plus longtemps possible, là. Mais ça venait de la famille. C'est dans les gènes. Ça va loin de même. Dans votre génétique, vous allez parler selon votre génétique, câlisse. À suivre, il faut que vous connaissiez votre famille. C'est quoi les grandes règles de chaque famille? Chaque famille a des règles, a une façon de penser, une ligne de conduite. C'est très, très, très difficile de se défaire de la pièce de théâtre parce que la pièce de théâtre, vous l'avez dans la peau. C'est des engrammes dans votre génétique. Vous arrivez dans la culture, c'est plus facile de se défaire de la pièce de théâtre d'une culture. Moi, je suis né dans un milieu qui n'était pas riche, à Saint-Paul-de-Mortefeuille. J'étais à Marieville, j'étais encore dans un milieu qui n'était pas riche. Ben, tu sais, mon père, il n'était pas riche, point. Fait qu'on ne pouvait pas être dans des milieux très riches. Puis j'ai tout le temps... chez nous, ça cultivait, on est né pour un petit pain, OK? Puis cette culture-là, se défaire de ça, il faut que tu rencontres d'autres milieux, d'autres structures, d'autres cultures qui vont te donner, comment je dirais ça, l'ambiance de ce qu'ils vivent. Pas, tu sais, c'est pas parce que j'achèterais, mettons, le Mercedes d'une personne d'un autre milieu qui me donnerait le phénomène de richesse. Mais c'est de partager des sports, de partager une sexualité, une affectivité avec des gens qui sont pas de ma culture, qui vont me donner un peu de l'autre culture. Tu sais, aller vivre en Italie, si je suis québécois, je vais plus vivre de l'italien quand je vais revenir au Québec. Tu sais? Fait que si vous êtes capable de changer de culture, ou vous êtes capable, puis encore que ça fait partie de la pièce de théâtre, mais vous allez être capable de transformer votre compréhension de vous-même dans la pièce de théâtre. Si vous allez dire, bon ben, quand je parle dans la pièce de théâtre, il faut que je parle français, mais j'ai une culture italienne qui me donne un petit avantage là-dessus, puis ça va vous aider dans la vie. J'avais Nathalie, l'autre fois, Nathalie Topoluc, elle dit, mon grand-père, c'était un Cri indien, et puis ma mère, c'était une Italienne, puis mon père est ukrainien. OK, bon, si tu réussis à faire le ménage dans le niveau d'importance que ça crée dans ta tête, c'est un avantage. Mais si ça te crée une confusion entre le cri indien puis l'ukrainien, là, t'as un conflit là, qu'il faut que tu règles. Fait que s'il y a un conflit qui se règle pas, ben là, tu peux tomber malade de ce conflit génétique-là. OK? Donc, il est très, très important de comprendre que la pièce de théâtre, c'est le milieu dans lequel vous allez évoluer. Et c'est dans le milieu, c'est aussi dans ce milieu-là que votre corps va se forger des anticorps à des tensions, ou va se créer des maladies à certaines tensions, parce que c'est plus difficile pour des problèmes de religion d'avoir un père arabe avec une mère québécoise, et que tu vas toujours chercher une sorte de fanatisme religieux ou idéologique si tu as le combiné de ces deux-là. Physiquement. Puis que si t'es pas capable d'être croyant, t'as beau être québécois, si t'es pas capable d'être croyant, tu vas te sentir qu'il te manque quelque chose. Puis l'impression d'une carence peut te rendre malade. Donc, la pièce de théâtre, c'est une culture, principalement. C'est un milieu sur lequel tu vis. Et on peut rajouter, c'est le champ tellurique des sols. Bon, je ne savais pas ce que c'est pour certains. Chaque sol émane. Un sol de sable, ça émane une vibration. Un sol de gravier, ça émane une certaine vibration. Moi, j'ai passé mon enfance sur des terrains argileux, beaucoup d'argile. C'est très, très hermétique, l'argile. Tu creusais là-dedans, là, puis c'est de la terre massive, huileuse. C'est Laval, dans le coin de Laval. Fait que ça a une propriété. Ça a une propriété physique. Puis le milieu dans lequel vous vivez, il est lié à des sols. Il est lié à des influences de sol. Tu vis aux États-Unis, au Texas, il va y avoir un sol X, puis à New York, il va y avoir un autre type de sol. Puis même si tu vis dans le même pays, avec une culture similaire, tu vas quand même avoir des influences ou des comportements difficiles. Différent, excusez, pas difficile, je voulais dire, c'est différent. Fait que si vous avez un milieu qui est différent, avec une culture similaire, parce que vous avez les mêmes règles, les structures gouvernementales similaires, il y a des nuances, il y a des différences. Un Mexicain qui part du Mexique pour arriver aux États-Unis, il change de culture en termes de réglementation de vie. Il y a des avantages qu'il n'y a pas au Mexique, mais il va quand même rester Mexicain de par sa famille, de par son conditionnement ou son environnement. Puis il s'adapte bien au pays, mais ça veut dire qu'il va se mêler à beaucoup de gens qui sont différents de sa culture de base, qui est sa famille et son milieu mexicain. Tout ça, regardez le combat que vous avez à faire dans la vie pour changer. Après ça, les gens disent, ah, moi, je pense que je pense. Ouais, mais quand je regarde toutes les zones d'influence que tu as connues, je peux presque te dire comment tu penses. Si vous avez une connaissance écologique, économique, culturelle d'un milieu, vous pouvez quasiment dire que la personne, sa destinée est liée aux actes et aux décisions qu'elle prend, et puis que si c'est elle qui pense, elle va penser de cette façon-là, donc elle va agir de telle façon. Il y a beaucoup de gens qui sont des politicologues, des sociologues, qui vont étudier les masses, puis ils vont dire, ben, on fait de la publicité dans telle région, faut pas que tu fasses la même publicité que ceux qui restent à 300 km de là. Parce que ce monde-là, ils pensent pas comme les autres là-bas, pour la même consommation. Fait que ceux qui font des études de psychologie en marketing, ces choses-là, savent très bien qu'il y a des modèles de psychologie. Fait que si vous avez des modèles psychologiques qui sont identifiés à certaines régions, ça veut dire qu'il y a des prises de décision qui sont conditionnées avec ça. N'oubliez pas que vous êtes dans une société où les gens cherchent à contrôler votre cerveau, hein, à contrôler votre âme, à essayer de voir comment dans votre âme vous écoutez de la musique, comment vous mangez, qu'est-ce que c'est vos goûts, puis ces choses-là. Des créoles, ça mange d'une façon que un Européen, un Français mangera pas de la même façon. On va dire, ben c'est de la cuisine de telle région. Donc, dans telle région, il y avait des familles qui se sont concertées à une façon de penser. Il y a une éducation qui s'est faite avec une certaine façon de penser. Il y avait des températures, il y avait des sols qui étaient communs et qui ont favorisé une façon d'agir et une façon de faire. Qui varie d'une place à l'autre? Pourquoi les Allemands sont de telle façon? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas la même culture que les Grecs, mettons. Pourquoi les Allemands ne veulent pas supporter les Grecs? C'est parce que pour un Allemand qui travaille beaucoup, de voir un Grec se la couler douce, il n'y a pas le droit. C'est pas un droit. Mais tu prends les Allemands, tu les mets sur le bord de la Méditerranée, ils vont peut-être changer sur le bout de 2000 ans. Là. Fait que c'est tout un élément qui fait que... Ils n'ont pas le même mode de vie, de fonctionnement. Donc, ils ne sont pas formatés pareil. Mais on voit que l'ego est lié à une programmation astrale et que l'influence de l'astral passe par la pièce de théâtre. L'esprit, lui, est bien conscient de jouer... de faire jouer un individu dans une pièce de théâtre avec les ressources qu'il a. Tu peux faire quelque chose avec 10 000 piastres, puis tu peux faire quelque chose avec 100 000, puis tu peux faire quelque chose avec 1 million, puis il y a des variantes. Mais tu ne changes pas la programmation. La programmation, pour moi, qui est un développeur, 10 000, 100 000, 1 million, c'est juste la grosseur du projet qui va varier. Mais la façon de le faire va être la même. Comme tu veux. Donc, vos ressources sont indépendantes de la pièce de théâtre, mais il faut des ressources dans la pièce de théâtre. Puis le double, lui, le contact, l'esprit, va vous envoyer la dose de ressources qui est nécessaire pour vous harmoniser dans la pièce de théâtre. Tu sais, les gens vont dire, si tu déménages à telle place, tu vas venir pauvre. Si tu déménages à telle place, tu vas devenir riche. Ils sous-tendent quoi? Ils sous-tendent que le milieu va t'influencer avec le temps. Tu vis dans la nature. Moi, je ne vis plus la même vie que quand j'étais à Laval. Je ne vis plus la même vie que quand j'étais... j'étais juste à Laval. Mais non, tu étais à Bière. C'est Colombard. Non, c'est Colombard, puis Laval. la nature, puis la ville. Tu sais. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que je ne vis plus la même vie parce que je n'ai plus le même théâtre. Mais j'ai gardé un pied dans l'ancien théâtre. Toute ma poste de travail, c'est à Laval. Toute ma poste pour mes comptes d'électricité, c'est à Saint-Colomban. Tu sais, c'est comme, ce qui m'est personnel, ma vie privée, c'est à Saint-Colomban, mais ma vie publique, c'est à Laval, en ville. Tu veux dire que le théâtre est pareil, la pièce, ça se retrouve. La pièce n'est pas pareille à Laval que la pièce que j'ai à Saint-Colomban, mais la nature m'a absorbé. J'ai plus le même thinking stressant. Tu sais, quand écoute, moi, je fais mes lumières chez nous, là, partout, je sors dehors, il fait noir, anti-pépin. C'est noir, anti-pépin. Il n'y a pas ben de lumière autour du lac, là. Le monde sont économes. Toutes les lumières sont fermées. Si tu te promènes à pied, là, c'est noir. C'est vraiment noir. Tu t'habilles en noir, puis on ne te voit pas. C'est noir, tu sais. Mais tu t'en vas à Laval, tu te promènes dans les rues, il y a des lumières partout. C'est quasiment difficile de trouver de l'ombre, tu sais. C'est un autre monde juste par la luminosité. C'est un autre monde juste par la mentalité. Là, on commence à avoir des jeunes qui rentrent dans notre coin. Là ça commence à changer de speed. Là. On entend la musique le soir. Avant, les petits vieux, à 8 heures, étaient couchés. Là. Il y a eu ce mot qui était debout. Là, puis je me disais, mon Dieu, que c'est tranquille. La pièce de théâtre, c'est le où vous vivez, c'est le monde que vous rencontrez, puis c'est ceux avec qui vous interagissez. Après ça, vous allez me dire, moi, c'est moi qui pense. Ouais. Tu penses comme l'environnement dans lequel t'es. De façon subliminale, tu vas avoir le rythme de ton environnement. de ceux avec qui tu travailles, de ceux avec qui tu vis. Vous êtes des... J'aime pas le mot, là. C'est comme ça qu'il me sort ça. Vous êtes comme des singes. On vous laisse dans la nature, vous vivez une vie de singe. On vous emmène en vie. En vie. On vous emmène en ville. Puis, vous vous faites humaniser, puis on peut vous envoyer sur la Lune. Tu sais, toi, tu prends les numéros de loterie, tu pour aller sur la Lune. Le singe, j'ai juste besoin d'être un singe civilisé, puis on va l'envoyer sur la Lune. Ou il va se servir de singe de laboratoire, peu importe. Mais on va tout faire pour le conditionner à avoir des comportements humains. J'aime beaucoup aller sur YouTube puis voir des gens qui s'occupent des animaux. Ils les nourrissent, jeunes, ils les éduquent, puis ils les humanisent. Il y a même un gars qui a fait ça avec un crocodile. 18 pieds de long, le crocodile. Il l'a pris, là, c'est sur mon site internet, si vous voulez aller voir. Puis il dit, « I feel an animal ». Il dit, « Je me sens comme un animal. » Avec l'animal... Mais moi, j'ai plutôt l'impression que l'animal s'est humanisé plus que d'autres choses. Fait que l'alligator, le crocodile, en fait, un alligator, c'est plus petit qu'un crocodile. Le crocodile protège sa famille, en plus. Fait qu'il faut croire qu'un crocodile, ça a tellement de l'air épais, un crocodile, que dans la vie, tu peux conditionner n'importe quoi. Donc, tu es éducable. Si on est capable d'éduquer un crocodile, puis qu'il est de bonne guerre avec la famille au complet... C'est parce qu'il est capable de reconnaître des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'un animal pouvait reconnaître. Hier, je regardais un zèbre qui s'est fait pogner par un crocodile, défendu par des hippopotames. Il y a une gang d'hippopotames qui se garochent le crocodile pour sauver le zèbre. Aïe, qu'est-ce qui se passe dans la tête des crocodiles puis de ceux qui les protègent? Tu vois des affaires dans la nature que tu peux pas croire que c'est possible, mais il y a dans de l'âme de l'intelligence qui peut être comme nous autres, éduqués. Et c'est l'environnement qui nous éduque. Qu'est-ce qui fait que les hippopotames vont vouloir protéger? Je l'ai vu à un moment donné, un antilope qui s'est fait pogner par un croco. Là, il était sur le bord de se faire noyer. Puis deux hippopos, ils l'ont ramassé le crocodile, ils l'ont soigné dans les airs. Il a lâché l'antilope pour te dire qu'elle partait à courir. Puis ils ont lâché le croco une fois que l'antilope était parti. Crampant, j'ai dit, mais peut-être que l'hippopotame, il mange du croco. Pas tout. Il y a une guerre entre les crocos puis les hippopotames parce qu'ils partagent le même espace, eux autres. Hein? Bon, il y a une éducation qui se fait dans les animaux jeunes, puis il y a une éducation qui se fait dans les êtres humains. On n'est pas bien différents. On est du monde de la nature, piloté par des mécanismes qui sont naturels, qui ont été étudiés pendant des siècles. Et qui sont délivrés par les gens qui s'engagent dans l'armée, des gens qui s'engagent dans un processus d'éducation. Ils vont se faire éduquer eux autres aussi à devenir telle chose. De là nos universités, de là nos écoles, de là la transmission de la connaissance de bouche à oreille, de personne à personne. La seule chose qu'on ne sait pas, qu'il va falloir étudier avec les années, c'est comment l'esprit pilote là-dedans. Et c'est ça, Mathieu, de vous amener à voir que on a cette base-là que l'esprit doit jouer dedans, que l'esprit doit t'informer de l'éducation de ton environnement. Lire à travers l'événement, c'est être un GPS personnel de ce qui te fait agir. C'est ça, lire l'événement. Moi, je l'ai commencé, ça, la lecture de l'événement, à travers l'astrologie. Ah, telle planète fait vivre telle affaire. Telle combinaison de planètes fait vivre telle chose. Oups, telle personne avec une combinaison de planètes dans un cadre de vie différent, elle a les mêmes réactions, mais elle crée des formes différentes. Tout ça te fait voir que peu importe la forme, tu vas toujours agir selon ta programmation, ou si vous êtes plus dans la psychologie, selon ton éducation. Comment t'es conditionné, comment t'es positivement ou négativement perturbé dans ta vie, tu vas prendre des décisions de telle ou telle façon. telle personne a un talent naturel. Tu regardes son environnement, tu dis non, c'est pas si naturel que ça. Elle a été privilégiée, comme astrologue, a été privilégiée par des amas de planètes. Et par rapport à l'individu qui connaît rien de l'occulte, ben c'est notre grand-père qui avait tel goût de, puis qui a transmis ça sans le savoir à telle enfance. Tu sais, on va dire souvent à deuxième, troisième génération, il ressort des éléments de l'arrière-grand-parent, ces choses-là. Bon, ben tous ces phénomènes-là qu'on est capable de dire, d'expliquer, peut aller jusqu'à une explication du futur dans les décisions des gens. Moi, on m'a dit qu'il y avait une étude dans l'armée de ce qu'ils appellent eux autres des plans de vie. Quand tu viens au monde, tu as un petit morceau de sang qui va à l'hôpital, puis un petit morceau de sang qui s'en va aux bases des forces militaires. Donc, l'armée a un petit peu de ton code ADN, génétique. Puis, apparemment, qu'ils peuvent savoir d'avance qui va être un tueur naturel. S'il est bien conditionné, ça fait un bon soldat. Puis, s'il n'y a pas de conditionnement qui est là chez l'ours de la nature, il peut devenir un bandit. Parce que c'est très, très puissant son instinct de tueur. C'est comme un animal qui vient au monde, puis c'est un tigre ou un puma ou un prédateur. C'est pas à ça que tu vas faire manger de l'herbe, hein, c'est clair. Parce qu'il va avoir un besoin continuel dans sa génétique de manger de la protéine animale, de la viande, donc il va être obligé de tuer, il n'y a pas le choix. Ou on y donne, mais apparemment que même il y a des animaux à qui tu vas donner de la viande, c'est un anticossin, puis ils deviennent dangereux à un certain âge parce que le goût du combat est là. C'est ça. Bon, si ça c'est vrai dans la nature, c'est aussi vrai dans votre code génétique. Fait que, tu sais, si on dit, telle famille, là, ils ont tel comportement, puis ça fait 4 générations que je vois aller, puis ils ont toute une façon d'être qui est similaire. Ben, ça, ces facteurs-là, c'est à tenir en compte parce que ça fait partie de comment les gens décident, donc de leur avenir. Tu sais, on va dire, c'est notaire de père en fils. Notaire de père en fils, c'est dans la génétique. Hop, il y en a un qui a décidé d'être vendeur de tapis. Ah, ça, c'est surprenant. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si... il y en a qui vont même questionner le père, tu sais. Pour moi, le laitier, dans le temps qu'il passait à la maison, là, il ne ressemble pas aux autres. Tu sais, on est tous sûrs de la mère, là, mais on n'est jamais sûr du père. La pièce de théâtre est en fonction de votre environnement, est en fonction de votre génétique, est en fonction de votre chose. Que vous soyez pris avec le problème de « je pense que je pense », que vous soyez pris avec la réflexion, ça reste quand même que même si vous êtes dans le jeu de votre pensée, vous êtes conditionné par tous ces facteurs-là. Fait que, si je vous dis, si j'ai la radio demain matin, je dirais à tout le monde, c'est pas vous autres qui pensez, mais vous le prouvez. Puis là, j'expliquerais juste ça, les phénomènes de conditionnement, d'éducation, de génétique familiale. Puis je dis, après ça, vous pensez à travers tout ça, là, que vous autres, vous pensez des pensées personnelles. Vous n'êtes pas capable de créer des coups de génie, là. Vous êtes prévisible comme 10, là. Comprenez-vous? Alors que je rajoute l'esprit, puis Dieu est là, puis Dieu vous commande telle chose. Alors là, je vais passer pour un malade. Mais si j'en reste juste aux facteurs de base, la pièce de théâtre de votre famille, de votre éducation, puis de votre environnement, je suis déjà winner. Après, il y a l'esprit. Mais après, il y a l'esprit. Essaie de convaincre les autres qui eux autres pensent en jeu à travers les conditionnements, ces choses-là. Écoute, là, ton père, il pensait pareil comme toi. Toi, tu veux pas penser comme ton père, fait que tu cherches une façon de dire que c'est pas toi qui penses. Parce que t'aimes pas la façon de penser de ton père. Là, c'est ça qu'un psychologue va me répondre. Ah, c'est parce que tu veux nier ton rapport que tu avais avec ton environnement. Tu veux changer le monde. Tu veux spirituellement établir une nouvelle religion ou une autre façon de voir Dieu. C'est ça qu'on va me répondre. Parce que tout le monde va se rapporter à qu'est-ce que la nature humaine est dans son aspect animal. Tu vois? Votre combat, il est profond. Parce qu'il s'agit de reconnaître quelque chose, tu sais, ultimement, qui vous a mis là-dedans. Il s'agit de comprendre qui vous a commandé la pièce de théâtre. Sais-tu que le jour où tu connais ta pièce de théâtre, t'as plus grand-chose à faire. T'as plus à vouloir rien. Tu as juste à laisser faire la pièce de théâtre. Puis là, on va te faire toc-toc. Ça, c'est à ton tour. Il faut que tu passes. Moi, je vis ma vie de même. Là. J'attends le vendredi pour être intelligent. Le reste, pas besoin. Je vis avec des chats. Je tire la carabine. Y a-t-il quelque chose de plus basique que de tirer la carabine? Le seul exercice de la semaine... J'ai jamais si fait peu d'exercices dans un sport. T'entends-tu? C'est un sport de petit vieux, ça, si tu savais, la quantité de gens qui ont 50 ans et plus. Hein? Ouais, je sais, 30 ans? Ouais, c'est en US. Fait que la rythmique d'une vie, c'est une rythmique naturelle, puis l'évolution d'une vie, c'est spirituel. Spirit voulant dire esprit en latin. Spiritus, ça veut dire, c'est la seule fois que ça me sert, le style latin. Spiritus, ça veut dire esprit. Vous avez un rapport à l'esprit dans les zones de crise, dans les zones réellement qui dépassent l'animal. Votre supériorité sur l'animal, c'est pas l'instinct. Il y a tellement d'animaux qui ont plus de spontanéité d'être instinctif que vous autres, c'est hallucinant. Même une mouche, tu veux l'écraser sur une table. Avez-vous déjà couru avec un journal? C'est gros, un journal pour une mouche. Là. Couru après un journal sur une table de restaurant, à énerver tous les clients autour. Moi, je le fais régulièrement de ce temps-là. Là. À chaque fois, je tape ça à table. Pow! Le monde se retourne. Ah, nous autres aussi, on est prêts avec les mouches. Mais Chris, on y va tout ensemble. Ah ouais, levez-vous, on y va. En tout cas, ça pour dire que de l'instinct, ça guide le monde pour la survie. Mais l'évolution, c'est votre esprit. Puis votre esprit, il voit l'ensemble de la pièce de théâtre. Puis il vous fait vivre des initiations parce qu'il voit l'ensemble de la pièce de théâtre. Il harmonise avec les autres doubles, les autres contacts, les autres sources, les autres esprits. C'est tous des synonymes. Il harmonise, en gagne, les vies de milliers de gens pour que ça puisse avoir de l'air intelligent. Vous avez peur que l'État islamique vienne au Québec? Inquiétez-vous pas, la vibration est trop haute. La vibration est simplement trop haute. Ça se passera jamais. Vous pensez qu'on peut devenir un peuple indépendant? On est une société distincte. De par notre naissance, de par notre génétique, de par nos incarnations, il y a plus d'anciens Atlantes au Québec que partout à travers le monde. OK? On est déjà une nation distincte, de par l'esprit qui pilote les gens. Vous me suivez jusque-là? Donc, dans la pièce de théâtre, ça n'a pas besoin de forme pour l'esprit, ça a besoin de façon de penser par l'esprit. Où la femme est la plus libre au monde? Au Québec. Mais c'était déjà, il y a bien des années, déjà très matriarcal. Donc, c'était déjà très individualisé, le comportement féminin de la femme au Québec, que tu n'avais pas en Europe, que tu n'avais pas aux États-Unis. Puis, à un moment donné, ça a suivi le Québec. Mais ça n'a pas suivi le Québec parce qu'on a essayé de copier des comportements. Non, c'est que dans la nature même de la femme au Québec, il y avait déjà cet engramme d'individualité-là, qui était là. L'initiation d'un Arabe, c'est de marier une Québécoise. Fait que vous avez à comprendre que des gens, pour évoluer, se cherchent des zones d'esprit, des zones, on va dire ça de même, spirituelles, mais pas dans le sens religieux du terme. Ils vont chercher des milieux où ça vibre d'une certaine façon, puis quand ils sont confortables avec cette façon de vibrer-là, ils s'installent. Et là, le changement commence. C'est pas la présence d'une personne qui va changer votre vie. C'est pas moi qui va changer votre vie. C'est vous autres qui allez prendre conscience de votre vie, surtout dans la lecture des événements de votre vie. Quand vous allez apprendre à lire dans vos événements de vie, vous allez avoir le meilleur séminaire que vous avez jamais eu de votre vie, parce que vous allez vous auto-informer à partir de vous-même, de votre propre source. Là, vous allez dire, oh, ça veut dire qu'on va se couper de toi. Écoutez, si vous ne coupez pas de moi, je vais me couper de vous autres, moi je vais mourir, c'est une question de temps. Donc, je ne serai pas là indéfiniment, ça, c'est clair. Puis comme quand Bernard est parti, moi, il a fallu que je continue à vivre, bien, je ne lui ai pas attendu à ce que lui me parle sa ligne. Je me suis arrangé pour que ma ligne me parle, puis j'ai continué le travail. Puis c'est pour ça que j'ai dit, lâchez le messager, puis occupez-vous du message. parce que c'est le message pour vous autres qui est important. C'est pas le messager. Je suis pas un personnage, moi, qui suis du monde. Je suis un personnage qui veut être sa propre personne avec un message qui peut convenir avec tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, si pour vous autres, ce qui est important, c'est d'évoluer, occupez-vous d'aller chercher votre propre lecture, puis dans votre propre lecture, de vous faire une confiance de l'acte que vous posez. Parce qu'en réalité, votre problème avec l'affaire des fosses, c'est que vous voulez avoir le contrôle de ce que vous décidez. Quand vous êtes libéré de l'affaire de contrôler ce que vous décidez, il reste quoi? Il reste des affaires à faire. Vous faites rien quand vous voulez décider. Vous faites quelque chose quand vous avez arrêté de vouloir décider, puis que vous faites quelque chose. T'achètes une auto, tu décides quand? Avant de l'acheter. J'écoutais une affaire, je parlais avec Madeleine, qu'elle voulait décider si elle achetait la 308 ou pas. J'ai dit, écoute bien, elle n'a jamais rien décidé. Je savais que c'était décidé. Mais moi, si je veux la niaiser pour lui faire voir qu'elle n'a pas de pouvoir décisionnel, j'ai juste à décider de pas y vendre. Si je décide de pas y vendre, il n'y a pas de décision de sa part qui décide de l'acheter. Parce que si elle décide de l'acheter, faut que je décide de la vendre. Ah, on va prendre 2 jours pour le décider. Là, j'ai dit, écoute, si tu prends 2 jours, je vais vérifier si je dois décider de pas te la vendre ou de la vendre. Ah là, ça fourrait à patente. Faut décider ensemble. Faut que je décide de te la vendre pour que tu puisses décider de l'acheter. Ça commence où, là? C'est toi qui décides la première? Fourrant, ça. Je peux jouer au fou bien longtemps comme ça. Ah! J'ai vendu la carabine à Alexine à 2 heures d'intervalle. 2 heures plus tard, j'étais avec un autre gars, puis je libérais la carabine. Elle dit, ouais, mais tu vas-tu en avoir un autre gauchère? Non. J'achète pas ça, des gauchères. J'ai acheté ça pour toi, puis Chantal Vio. Fait que là, si t'apprends pas, je la vends. Ah, OK, je peux. C'est pas moral, là, de canceller à vendre. Le gars vient de Drummondville. Mais avant qu'il parte, là, dépêche-toi, là. C'est tout de suite ou jamais. Ah, OK, je l'apprends. Moi, je téléphone au gars, puis je dis, viens pas, là, il vendu la carabine. Ben, tu m'as dit que tu me la vendais. Ben, j'ai décidé que je ne la vendais plus. Sais-tu qu'il n'y avait pas juste la décision qui comptait? Lui, il pensait qu'il décidait qu'il achetait la carabine au prix qu'il voulait. J'ai trouvé quelqu'un qui ne m'astine pas. C'est un avantage, un argument de vente que tu n'avais pas prévu, ça, là. Hein? Vous décidez rien. Vous convenez avec d'autres de quelque chose à faire. Oui, vas-y. Tu parlais concernant les autres cultures qui sont comme que tu patauges dans l'autre culture. Ça te permet de pas changer, mais ça, de t'adapter plutôt. Est-ce que tu t'adaptes ou ça te fait voir ça? C'est dans ta pièce de théâtre, là. Pourquoi que ça te fait voir le monde de même, là? Tu sais, mettons. Plein d'affaires, là. On s'entend que tu veux voyager. Toi, un gars, là, viens te rembourser, dis écoute, je te paye un an de salaire puis tu voyages avec moi. Là. On va aller où tu veux. Mais pas au launcher tout le temps. Hein. Tu vois, non, l'imagination. S'entends-tu? Là? On est-tu d'accord que c'est non, quelque chose que tu aimerais? Le principe, c'est dans ma pièce de théâtre, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Madame Ledoux, oui. Est-ce que vous aimeriez voyager autour du monde? Oui. Si on vous mettait 1 million entre les mains, mais pas d'un coup, en paiement mensuel, oui. Vous aimeriez ça? Oui. Bon, tu le ferais, hein? Oui. Bon. Fait que si tu n'es pas capable de le faire, on te l'envoie le monde à toi. Ah bon? Pourquoi qu'on t'envoie le monde à toi? Parce que tu n'as pas la ressource d'aller dans le monde, merci. Dans ce monde-là. J'ai beaucoup voyagé, moi, quand j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré tous les hosties de peuples de la planète. Chez eux, avec leur nourriture, puis tout le kit. Pour les forces, je voyageais. On m'a fait faire toutes les classes sociales de la société. De 20 à 30 ans, là, c'était débile. Avant que je rencontre Bernard, là, on m'a fait voir toutes les religions, les Rose-Croix, les francs-maçons, les réels, n'importe quoi. N'importe quoi, je les ai toutes faites, là. invités chez eux, manger chez eux, la nourriture du pays, les femmes de ce milieu-là, des femmes qui n'avaient pas le droit de parler à un homme, claquette. Ils m'ont tous fait des confidences. Là. J'ai voyagé beaucoup. Mais j'ai pas été dans les pays. Ça a coûté une fortune. Ça a ouais, c'est dans le développement de la personne. Le link dans ce cas-ci, c'était que j'étais un développeur, puis j'avais besoin de ressources qui étaient de l'information, de la connaissance du milieu, ces choses-là. On m'a fait voyager là-dedans. Les forces se sont servies dans une programmation que j'avais qui était extrêmement limitée en ressources. Ils m'ont fait faire le tour du monde. À travers les gens. Quand je suis allé en France, moi, là, je suis allé faire des conférences, je suis pas allé là pour visiter. Je déteste aller voir des vieilleries. Les musées, je déteste. Fait que toute personne qui a des besoins, comme toi, exemple de voyage, ben, on peut te faire rencontrer des gens, parce que tu peux pas voyager. Simplement. C'est dans la nature. Vous serez jamais capable de changer votre nature, puis votre nature, c'est ce qui vous fait vivre. OK. C'est ça. Quand je pense, Joanne, elle étudie, elle a appris, elle apprend tout le temps, elle a un goût de l'étude, elle n'est pas loin d'être capable de donner des cours, si elle veut. Si elle vibre donner des cours, elle est capable. Parce qu'elle a une compréhension de s'auto-éduquer puis s'auto-former qui m'a vraiment impressionné. J'ai regardé dans les guns, là, le peu de fois qu'elle est venue tirer, Chris, elle s'est rendue à 308, elle a tout étudié, qu'est-ce qui était essentiel, puis elle se tire à tirer bien. Pourquoi? Parce qu'elle étudie. Les gens, eux autres, ils veulent juste vivre la sensation. Elle a dépassé ce stage-là. Je suis pas sûr qu'elle aime pas la sensation, mais elle prend le temps. Comment ça marche, le télescope? Pop, pop, pop, pop, pop. Puis elle fait une erreur, tout de suite, elle corrige. Puis c'est vite, c'est instantané, elle niaise pas. Elle se décourage pas. Ben, tu vois bien qu'elle a la nature qu'il faut pour apprendre n'importe quoi. Fait qu'elle, qui a dit, je veux explorer dans la vie, Chris, ben, il a fait ça, c'ti. Elle va te ramener un paquet d'infos à vitesse l'éclair, hein, parce qu'elle débite son information comme un transfert de 10 durs à 10 durs. Okay. Question. Étudiez votre vie dans l'événement. Étudiez pas votre vie en termes de jeu qui veut savoir s'il est beau, qui est fin, qui est bon. Plaignez-vous pas. Allez dans l'événement. C'est dans l'événement que l'étude est la plus riche. La variabilité, c'est la nouveauté. Dans une vie, les forces n'aiment pas l'inertie. Donc, les forces s'occupent de tout le temps, dès que vous avez suffisamment... tu sais, comme là, les armes, là, tu as suffisamment compris les armes pour ne plus en tirer, pour ne plus avoir à en tirer, pour comprendre le principe. Fait que si tu ne crées pas une variabilité, qui est un intérêt, exemple, à te confronter à d'autres tireurs... Ben, ton étape est finie. Tu t'es prouvé ce que tu avais à te prouver. Ça s'arrête là. Mais si tu es capable de recréer un autre volet à ta pièce de théâtre, donc à la pièce de théâtre qui, elle, n'a pas de fond, tu sais, il y a des gens qui vont aller te tirer une fois par semaine, toi, tu peux dire, bon, ben là, moi, j'ai plus besoin de ça parce que j'ai pas besoin du milieu social que ça crée. Je peux m'en composer un autre avec, je sais pas, moi, une gang de médecins... en chirurgie esthétique, tu sais, tu vas t'en aller en chirurgie esthétique, tu rencontres, tu vas chez Koura, puis vraiment, tu as rencontré une fille qui s'en est mis pour 40 000 piastres sur le corps, que bon, ok, fait que t'attires, c'est dans ta pièce de théâtre, j'arrive, moi, là, puis puis là, fuck, j'aurais aimé ça avoir, si. Ben, tu vois bien que moi, je suis pas en chirurgie esthétique, c'est flagrant, tu sais, je me serais fait l'hyposuccès, ça fait une crise de bout. Okay. Je pense qu'il y a du explore. Les forces, ils veulent que vous vibriez. Je sais pas si ça se dit, vibriller, que ça vibre, câlisse. Fait que quand ça vibre, ça se passe. C'est ça que les forces veulent. Ils veulent pas d'autre chose que ça. Les forces, ils veulent rien d'autre que ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez, c'est eux autres. La pièce de théâtre est déjà créée par l'environnement. Oui, ils ont déjà choisi la place, ça se passe. Ils t'ont mis dans un pays, ça c'est la place où la pièce de théâtre se tient. La pièce de théâtre, le sujet, il y en a bien des pièces de théâtre, hein, on s'entend. Fait que, bon, toi, tu passes à telle date, à telle heure, puis ça se passe là, that's it. Tu sais, pour moi, la pièce de théâtre, la compétition cette année, ça s'est passé comme ça s'est passé. L'année passée, je visais 600, j'ai fait 699. Est-ce que j'étais encore lisse? Il manquait un point ici. Puis cette année, c'est d'autres choses. Cette année, c'est complètement d'autres choses. Puis l'année prochaine, ça va être d'autres choses. C'est la pièce de théâtre est variable, comme on dit. Puis c'est les intentions, le vouloir, le qu'est-ce qu'on apprend. Moi, cette année, c'était la balistique qui était importante pour moi. J'ai appris beaucoup sur la balistique. L'année prochaine, c'est sûr que ça va être le vent, ces choses-là. C'est des étapes. Bon, ben, regardez votre pièce de théâtre, puis regardez comment vous évoluez là-dedans. Toi, normalement, la peinture devrait pousser un peu plus fort. Tu vas varier tes thèmes. C'est plutôt que faire des vaches, tu vas faire d'autres choses. OK. J'ai hâte que tu rentres dans le genre humain. Là. Les gens ne peuvent pas changer de pièce de théâtre. C'est vraiment dans nos gènes. Tu sais, comme en rencontrant le Bernard, ça... Non, ça, ça vous fait juste comprendre le scénario. Là. OK. Le scénario, ça ne change pas la pièce de théâtre. Peut-être qu'on apprend à être conscient de notre esprit. Ben, la plupart des gens, on lui donne un texte à lire et ils lisent le texte. Moi, je vous fais rentrer dans la tête de celui qui écrit le scénario. Je vous apprends à voir le scénario, à lire la pièce. J'ai pas dit que vous pouviez changer de pièce de théâtre. Je... Écoute, c'est déjà dur de vous apprendre à lire le scénario. Chris, après ça, on va penser que vous changez de pièce de théâtre. Non, excuse-moi. C'est pas que c'était fait, c'est comment tu le racontes. Ça fait déjà partie de la pièce de théâtre. Tu sais, t'en fais, t'en envoies du monde en pièce de théâtre, puis en ça, t'en as dans tes... tu sais, ils font pas une pièce de théâtre quand tu viens de s'engager avec toi, ils font une pièce de théâtre parce que t'es a placé à telle affaire, tu sais. OK. Pas compliqué à vivre. La vie, c'est une pièce de théâtre. Tu fais la pièce de théâtre. Tu peux être un acteur principal dans ta pièce de théâtre parce que t'as bien appris ton texte. Vedette d'une minute, trois minutes, 10 minutes. Sur YouTube, à chaque fois que tu fais un YouTube, tu t'installes là-dessus, tu risques d'avoir 1 million de clics. T'as juste à être viral. C'est la seule place que les virus servent à quelque chose. OK. C'est ça. Pardon? À quoi ça sert? Écoute. C'est intéressant de voir. Moi, j'en vois qui sont bien bons. On n'aurait pas pu avoir ça il y a 10 ans. Moi, c'est surtout les affaires des les YouTube d'animaux, je trouve ça super drôle. Il y en a des comiques en maudit. Il y en a qui ramassent toutes les affaires drôles qui s'est faites ces animaux. Là. Les films, tu peux passer ta vie ça, regarder un film. Ben oui, c'est une façon de t'éduquer, c'est une autre façon de faire. Tu sais, le gars qui fait le film, il veut être vu. Ouais.